Quand j'ai compris ce qui allait se passer, il était trop tard. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai freiné, mais j'ai vu arriver la voiture de derrière dans le rétroviseur et j'ai serré les dents car je pensais bien qu'elle ne pourrait pas s'arrêter. Tout cela n'a duré que quelques fractions de secondes. J'ai ressenti le choc et immédiatement après, j'ai entendu d'autres bruits de choc en série, comme un écho. C'était étrange, complètement irréel. Quand j'ai appris que plus de 100 voitures s'étaient ainsi rentrées l'une dans l'autre, je ne pouvais pas y croire. Je n'avais pas imaginé que l'accident pouvait être à ce point énorme, qu'il puisse toucher autant de voitures. C'était un véritable cauchemar. Tous ces véhicules plus ou moins écrasés. Pendant quelques instants, personne n'a osé sortir, je crois. Et après, quand on est sur la route, on ne peut pas imaginer qu'une chose pareille puisse arriver. Et pourtant, maintenant que j'y pense, ça me fait peur. Le plus incroyable, c'est qu'il n'y ait pas eu de victime. Ça, c'est un miracle.